ne serai plus en sécurité. Nous sommes en sécurité. J'ai tué le loup dans sa tanière. Vous avez tous été abusés par cette bête depuis le tout début. Elle vous a fait croire qu'elle vivait au Mont Grimor pour que vous ne la cherchiez pas dans le lieu qui semble le plus évident. Le loup en question vit ici. Prends mon pic et ça s'annonce sale. Carte en maussade dans mon crâne, les feuilles s'amoncellent. On se sépare, le cœur morcelle et puis on s'en sort seul. La solitude nous ensorcelle et on en perd ses ailes. On m'a demandé que cherches-tu, j'ai répondu la vertu. Je t'avertis, je croque à pleine dans la vie. Même avec son goût d'amertume, les emmerdus les connais souvent quand tu les côtoies. Donc évite les temps que tu peux, tu ne les rencontreras jamais trop tard. J'ai pas grand chose dans la vie, par contre j'ai des souvenirs qui me redonnent le sourire quand un proche lâche son dernier soupir. J'avoue je comprends pas tout, il me faudrait des sous-titres. On voudrait tout gérer, mais en fait nous ne sommes que des sous-fifres. Et ouais je souffre fils de voir le monde dans un tel état. Je vois les gens autour de moi, leurs yeux ont perdu de leur éclat. Moi, j'ai peur de la mort, non, je vais pas jouer les gros bras. Mais si elle vient pour moi, t'inquiète pas, j'entamerai le combat. Je vis pas dans des pots de rats, j'étale ma vision sur des morceaux de rap. J'écris ma vie, j'essaye d'éviter les fautes d'orthographe. Jamais à l'abri des erreurs, je les compte plus d'ailleurs. Puis tu sais, dans la réalité, il vient pas de correcteur. C'est ma mission dans son nom, vaut peut-être pas la peine. Pour toi, mais ta vision du monde n'est peut-être pas la mienne. Cela veut pas dire que tu me gâtes pas ce qui m'engousse. Mais peut-être juste que t'as choisi de ne pas voir ce qui t'entoure. Vision dans son nom vaut peut-être pas la peine. Pour toi mais ta vision du monde n'est peut-être pas la mienne. Ça veut pas dire que tu ne capes pas ce qui m'encousse. Mais peut-être juste que t'as choisi de ne pas voir ce qui t'entoure. Je vois plus trop grand chose, non. J'ai la vision assombrie, je sais que chaque chose a son prix. Mec cher ne veut pas dire grandiose, mais comme mon hostile, me faire passer l'hostie. Des gars je leur donne de l'estime, qui salissent en confession intime. Mais que fait tomber ces types qui ont causé tant de ravages sans qu'on les dérange. Pourquoi j'entends surtout parler des dommagements. Les carences de la justice sont malheureusement flagrantes. Dis-moi pourquoi souvent les victimes pèsent pas dans la balance. Les factures tombent, il faut que tu payes, et c'est sans retard. Mais quand il s'agit de rembourser, t'attendras et t'as pas le choix. On emmerde la nuit. Les pratiquants du tapage, c'est bien plus utile que des traques et les trafiquants d'armes. On meurt d'ennui, pourtant trop d'outils à disposition. Joue pour gagner, toujours touché la pole position. Sans cesse besoin de négociations pour faire des concessions. Mais quand les cons cesseront d'être élus, viendra un monde moins sans. C'est ma mission dans son nom, vaut peut-être pas la peine. Pour toi, mais ta vision du monde n'est peut-être pas la mienne. Cela veut pas dire que tu ne gâtes pas ce qui m'engousse. Mais peut-être juste que t'as choisi de ne pas voir ce qui t'entoure. C'est ma mission dans son nom, vaut peut-être pas la peine. Pour toi, mais ta vision du monde n'est peut-être pas la mienne. Ça veut pas dire que tu ne capes pas ce qui m'encousse. Mais peut-être juste que t'as choisi de ne pas voir ce qui t'entoure. Je tente de rester droit quand beaucoup trop courbe les chines. Je tatoue mes états d'âme sur papier à l'encre de chine. La vie n'est pas facile, ça fait partie du jeu. Mais si je peux, je t'aiderai de mon mieux avant que la mort me fascine. Y'a pas de thème précis, je cours un peu dans tous les sens. Pardonne-moi de ne pas directement aller à l'essentiel. Ma ciel était encore là, que se passait-il? Mais je sais pertinemment que rien ne tombe du ciel. Donc j'avance, toujours dans la bonne direction. J'ai jamais dans la tendance à la manière de la secrète connexion. Mon rap pleure devant le sang pleure, sois sans crainte. Il ne parle jamais sans cœur, ses valeurs respectent ses précurseurs. Agis sans rancœur, si tu cherches le bonheur, n'aie pas peur de l'inconnu, non. Tu ne le connais pas encore, il faut que t'avances. Réalise la chance que tu as, que tu prennes chaque matin comme un cadeau d'avance. Chasseurs ne servent à rien. On n'a pas besoin d'eux, c'est à nous de nous défendre.